Merci Gilles. Mais je voudrais d'abord remercier, comme il se doit, l'organisation de ce colloque sur un sujet évidemment tout à fait passionnant. Alors, j'ai effectivement reformulé mon titre parce que, bon, les banquets, les galettes des rois, donc c'est sympathique, je vais en parler, mais j'ai plutôt intitulé ça Les nourritures terrestres à l'action française, un plaisir gustatif très politique. Alors, l'autre jour, je discutais à la Sorbonne avec un de mes collègues en lui disant, qui est littéraire, en disant, voilà, je vais faire un colloque sur les nourritures terrestres, l'action française. Alors là, il est parti tout de suite, André Gide, tu l'écoutes, c'est formidable. Car effectivement, la relation Gide-Action française a été très compliquée, entre la querelle du racinement, les faux monnayeurs, etc. Bon, et l'antigidisme de l'action française, mais on ne va pas évidemment parler de Gide aujourd'hui. Cela étant, les nourritures terrestres, au sens presque littéral du terme, comptent dans l'histoire de l'action française. Elles comptent bien sûr à travers un certain nombre d'expressions, comme celle qu'on a vue hier, hein, la question des banquets. C'est un classique en même temps de la sociabilité politique, et il va falloir voir ce qu'il y a de singulier dans l'action française par rapport à un mode de faire que l'on retrouve ailleurs. Ce qui m'intéresse davantage, pour commencer cette intervention, c'est d'essayer de vous expliquer dans une première partie, en forme un peu de préambule, ce qui caractérise véritablement le rapport de l'action française à la question de la nourriture et des nourritures. Au-delà du fait que, évidemment, les principaux dirigeants de l'action française, comme Maurras et Daudet, sont des becs fins, Maurras compris, hein, qui avait une cave tout à fait importante et grand amateur de nourriture. Il discutait régulièrement des différentes recettes de la bouillabaisse. Et hier, nous parlions du problème du vin et Léon Daudet. Régulièrement mettait en avant son passé d'étudiant en médecine pour souligner, citation de Baudelaire à l'appui, les mérites du vin, dénonçant ceux qui s'en prenaient à cette croisade contre le vin sous l'influence anglo-saxonne, puritaine et quakériste. On était en 1925. Alors, voyons ce qu'il en est dans un premier temps, si vous voulez, sur la relation entre nourriture et action française, que je sous-titrerai goût, tradition, classicisme et politique. Tradition, classicisme et politique. Le tout va ensemble. Alors, dans le dictionnaire politique et critique de Maurras, on ne trouve pas d'entrée cuisine, gastronomie, nourriture. Cela étant, cette thématique est présente sous la plume des ténors de l'action française et je voudrais vous citer quelques lignes d'un texte qui, en apparence, peut paraître anodin, mais qui est tout à fait essentiel, et j'aurais pu en citer d'autres, pour introduire au fond cette question des nourritures terrestres à l'action française. On est en 1913, à la rentrée 1913, et Jacques Bainville, donc j'allais dire le numéro 3, publie en première page du quotidien un texte qui s'appelle Le voyage en France. Alors, c'est un article de rentrée, et voilà ce qu'il explique dans cet article de rentrée. Nous aurons tous, plus ou moins cet été, pris des vacances de nationalistes. C'est-à-dire que nous aurons regardé mieux qu'autrefois, regardé plus passionnément, le visage de la terre natale. Pour ma part, j'ai souvent pensé ces semaines-ci à un article, ô combien vieux, de ce précurseur qui s'appelait Frédéric Amouréty. Déjà gravement atteint et rejoignant sa Provence où il devait mourir, Amouréty avait encore trouvé la force de dire la joie qu'il avait ressentie à parcourir nos territoires et nos terroirs, pardon, en travail de récolte. Ces fleuves de richesses aperçus depuis la fenêtre d'un wagon l'avait transporté d'un enthousiasme qui durait encore, l'enthousiasme d'un lyrisme à la André Chénier. Et il ajoutait, à propos d'Amouréty, que ce dernier, justement, marquait toute sa distance avec quelqu'un dont on a parlé hier. La parole abjecte d'un chansonnier, idole de la bourgeoisie de son siècle et non moins goûtée par le vicomte de Chateaubriand, sur ces bérangers, qui prêtait aux vieux vagabonds cette formule « Que me font vos vins et vos blés ?» Et Bainville souligne à quel point, évidemment, les vins et les blés comptent. C'est quelque chose qu'il faut fondamentalement défendre. Mais Bainville ajoute, et là ça nous ramène à une autre intervention d'hier, celle de Laurent Bille sur les cabarets. Bainville donc se promène dans cette France et il parle du garde champêtre. Il dit voilà, ce cabaret serait tentant pour le repos. L'hôtesse en a bonne mine et l'on goûterait volontiers à ses sauces, dont on apporterait la recette à Madame Pampy pour les bons plats de France. Halte là. C'est ici le lieu où le vétérinaire et l'agent voyer chaque soir fêtent d'un apéritif les progrès de la société laïque. Cette auberge n'est plus une auberge. C'est déjà un estaminet, et l'estaminet au village est le temple que la République dresse en face de l'Église. En quelques lignes, si vous voulez, et en toute une série d'allusions que les lecteurs de l'Action française identifient immédiatement, Amoretti, le plus vieil ami de Maurras, André Chénier, la pique contre Chateaubriand, Béranger, cet emploi effectivement des termes auberge et estaminet, plus la référence à Pampille, vous avez véritablement un condensé en quelque sorte d'un discours que l'on pourrait retrouver dans de très nombreux articles. Alors, effectivement, la référence à Pampille est une référence absolument essentielle. Qui est Pampille? C'est un pseudonyme, bien sûr. C'est le pseudonyme de Marthe Daudet, née Allard. C'est la seconde épouse de Léon Daudet. Alors, cette femme est une royaliste de choc qui a financé les débuts de l'Action française, qui a joué un rôle important dans l'histoire du journal en multipliant les articles, certains articles politiques d'ailleurs, mais surtout ce qui nous intéresse ici, des articles de mode et beaucoup d'articles sur la cuisine. Pampille est effectivement l'auteur d'un livre de recettes de cuisine fameux, Les bons plats de France, publié pour la première fois en 1913, régulièrement cité et commenté dans l'Action française. Il y a une rubrique dans l'Action française qui s'appelle Le carnet du gourmet, mais ce n'est pas elle qui la rédige. Le livre de Pampille a été salué par Marcel Proust. Si vous lisez La recherche du temps perdu, vous verrez qu'à deux reprises, Pampille est cité. Et en 1927, quand on réédite le livre de Pampille, qui a été réédité par la suite en 1934, on voit très bien à quel point l'association est étroite à l'Action française entre cuisine et politique. On distingue bien les plats nationaux, les plats régionaux, ce qui permet immédiatement d'enchaîner avec tout un discours sur l'unité nationale, la décentralisation nécessaire. Et la décentralisation grâce à la cuisine, c'est le triomphe d'une intelligence des plats français que bien des Français ignorent. On crée aussi dans l'Action française, en 1934, au moment de la réédition du livre de Pampille, une fête de la saine gourmandise, mise en place donc par la HEF, et Pampille est même sollicitée par Plaisir de France, c'est une revue un peu de luxe des années 30, où elle s'occupe de tenir une rubrique qui s'appelle « Les bonnes traditions de la cuisine française ». Alors ça démarre avec le déjeuner de chasse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait que Pampille explique aux lectrices comment composer un menu, elle ne manque jamais de réinjecter de la politique dans son discours. Et elle explique que, finalement, la cuisine, la vraie cuisine, c'est le triomphe du classicisme. Il y a, c'est Pampille qui parle, il y a un classicisme en cuisine, un point de perfection difficile à atteindre et qu'on ne dépasse pas. On pourrait exactement trouver la même chose dans toutes les conceptions esthétiques, non pas de son mari, Léon Daudet d'ailleurs, mais d'un Maurras et de toute une série de discours sur le classicisme de Maurras. Alors, vous avez là un petit peu le cadre, si vous voulez. Voyons à présent ce qu'il en est de ces nourritures terrestres à l'Action française à travers, effectivement, la question du calendrier et la question des temps forts et parmi eux, évidemment, on va parler des banquets et des galettes des rois. À l'Action française, l'association entre art culinaire et politique, je vous l'ai dit, confère à ces dernières une importance particulière. Elle est partout, cette nourriture. On peut récompenser les lecteurs de l'almanach d'Action française en 1923 de bonnes bouteilles de Bourgogne. Elles seront données aux lauréats du concours des lecteurs, invités à répondre à la question suivante. Quel est le politicien le plus mufle? Et il faut choisir un nom, la sortir d'un commentaire. Alors on suggère déjà que le choix c'est brillant. Voilà, on explique bien ce qu'il faut aller chercher, mais voilà. On a également un art culinaire toujours inséparable de l'agenda. Donc on va régulièrement mettre en avant la question des crêpes du Mardi Gras, y compris pendant la Première Guerre mondiale, où on voit un poilu, il y a une illustration, où on voit un poilu dans sa guérite en train de faire sauter les crêpes. C'est rare d'ailleurs, évidemment, de voir un homme faire la cuisine, mais là, évidemment, c'est la contrainte. On propose aussi dans l'Action française, en 1920, et je pourrais multiplier les exemples, un calendrier culinaire et ménager. Et ce calendrier culinaire et ménager tient compte, évidemment, du caractère catholique d'un certain nombre de lecteurs. Donc, on propose le mois maigre. Le mois maigre, c'est évidemment au moment du carême. Et puis, je vous le disais, on propose toute une série de plats régionaux pour des raisons de décentralisation évoquées. Et on ajoute toujours qu'il faut se procurer les meilleurs produits. Et les meilleurs produits, on les trouvera dans les magasins recommandés par l'Action française. Et vous avez des listes de produits à acheter à tel ou à tel endroit. Alors, la nourriture a à voir avec l'agenda militant. Et effectivement, la galette des rois est un premier temps fort de l'année. C'est le premier temps fort de l'année, inséparable de la fête des rois. Alors cette galette des rois, elle est célébrée principalement, très régulièrement, dans les sections. Dans les sections d'Action française, première réunion de l'année, c'est la galette au cours du mois de janvier, donc dès avant 14 et après le premier conflit mondial. Alors cette galette des rois, elle est célébrée autour donc d'un verre à l'intérieur de la section, une allocution du responsable local qui mobilise pour l'année. Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est deux choses. D'abord que cette galette des rois peut, dans un certain nombre de cas, être prise en charge par les jeunes filles royalistes, qui donc prennent cette manifestation en main. Et cette galette des rois est une occasion, je vous le disais, de remobiliser. Et particulièrement en 1934, on est au début de l'année 1934, et là, l'Action française fait grand cas, des multiplications de réunions pour la fête des rois, en expliquant que partout de la province au midi, on mange à la galette traditionnelle, on but du bon vin de France à la santé du roi, de la reine et du dauphin. J'ajouterais qu'on a dû quand même un petit peu y parler de l'affaire Stavisky. Alors, cela étant, pour que vous ayez une idée, cette galette des rois, alors dans certains départements où l'Action française est forte, ça peut donner lieu, une fois que la Ligue est dissoute, à démobilisation, car la dissolution de la Ligue en 1936 ne signifie pas la fin de la socialisation, et dans l'Hérault, c'est un moyen en 1937 de mobiliser 500 royalistes pour la galette des rois. Les banquets. Alors les banquets, évidemment, c'est un temps fort dans la vie de l'Action française. Ils ont laissé de très nombreuses traces dans les souvenirs d'anciens militants, Raoul Girardet en parle, dans la presse d'Action française. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que entre l'avant-premier conflit mondial et donc la fin des années 30, les motifs de banquets sont nombreux. Ils sont nombreux, mais ce ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a une chronologie, je vois que le temps passe, mais il y a une chronologie qu'on peut quand même essayer de construire. Les motifs sont nombreux. La Saint-Philippe, ça c'est un grand classique, à Lyon en particulier, j'ai fait comme les collègues, j'ai pris des exemples un peu chez vous. Bon, le 7 mai 1914, eh bien, sous la présence de la marquise de MacMahon, alors là, elle en a présidé, elle débanquait. Et elle parle, elle est oratrice. Si vous voulez dire, on parlait qu'il n'y avait pas de femme qui parlait, la marquise parle systématiquement. Et la Saint-Philippe à Lyon, on rend hommage à Maurras, etc. Mais avant la guerre, avant le premier conflit mondial, les banquets les plus significatifs, et eux, ils vont disparaître. Oui, relativement. Après le premier conflit mondial, c'est les banquets organisés par les camelots du roi. Les camelots organisent énormément de banquets, avec les étudiants ou eux-mêmes. Alors, on organise des banquets pour offrir un banquet aux camarades qui partent pour le régiment. Mais surtout, les grands moments, c'est pour fêter la libération des camelots emprisonnés par la Gueuse. Et alors là, vous avez toute une série d'exemples, en particulier un des plus célèbres, on est en 1912, c'est le banquet qui est donné en l'honneur de Lucien Lacour, donc celui qui avait giflé Brillant, et qui se voit célébré par 300 camelots, banquet de 300 couverts, et c'est un des grands moments de l'Action française avant 1914, parmi ces banquets. Avec, bien sûr, j'enchaîne, les banquets des congrès nationaux. Alors les congrès nationaux sont un des temps forts de l'avant 1914, ils font l'objet de développements évidemment emphatiques, mais ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai regardé un peu toute cette chronologie des banquets nationaux, j'ai constaté que finalement, dans les années 30, évidemment on en parle, mais on en parle moins. C'est-à-dire que bon, ça fait partie au fond des choses, qui font partie de l'agenda, mais on en parle moins, et on en parle beaucoup moins d'ailleurs, que d'un autre banquet qui évidemment serait sans doute passé inaperçu pour qui n'aurait pas cherché, C'est un banquet organisé à Arras en 1930, le 12 octobre 1930, pour célébrer la figure de Robert Bourrin. Alors là, je vous rassure, personne ne le connaît. Mais, sauf quand on connaît l'histoire des Camelots, parce que Bourrin, il a 36 ans, c'est un ancien combattant, un des tout premiers Camelots du roi, et il a, en 1929, de nouveau, alors il n'est pas les giflets brillants, mais il est allé l'attendre dans la grande tradition des camelots à l'arrivée d'un train, et il l'a apostrophé brillamment, infâme, brillant, etc. Et là, on renoue avec cette tradition, et on organise un banquet de 500 personnes. Alors, ce qui caractérise les années 30, c'est que les banquets ont un autre relief, ils s'adressent à des publics beaucoup plus spécialisés que l'Action française cherche à récupérer. Parmi ces publics, Bénédicte Vergé-Chaignon avait travaillé là-dessus d'ailleurs, il y a les médecins. Et les médecins sont en première ligne, notamment à partir du début des années 30, sous l'impulsion de Charles Fiesinger, membre correspondant de l'Académie de médecine, qui patronne en juin 1932 à la mutualité un grand dîner, un grand banquet avec Maurras et Daudet. Alors là, le tract est imprimé, donc ce qui prouve qu'ils ont mis les moyens. Il y a beaucoup de médecins qui soutiennent ce dîner, et j'aurais pu vous amener l'affiche. Hein, si on a des actes, on va la mettre. Hein. Ça s'appelle La femme hydropique. Elle n'en a plus pour bien longtemps. Donc c'est un dessin de Soupeau inspiré du tableau de Gérard Doux, La femme hydropique de 1633. Et ça dit bien évidemment le constat dressé par les Maurrassiens. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que tous ces banquets de médecins sont bien sûr médiatisés dans l'Action française, mais on en trouve beaucoup en province en 32, 33, 34, 35. On en trouve à Montpellier, on en trouve à Vittel, dans le Grand Hôtel, on en trouve à Nantes, il y en a eu à Lyon, etc. La carte de France des banquets de médecins d'Action française est importante. Il y a les banquets d'ingénieurs, je vous les retrouverai dans le papier. Troisième catégorie, ça va être les banquets d'avocats. Les avocats sont aussi une catégorie bien, bien particulière. Alors, les avocats, premier grand banquet d'avocats, donc professionnel, corporatif, hein, pour reprendre le langage, c'est avril 34 à Lille. Alors, ces banquets d'avocats, ils sont intéressants parce qu'ils sont pris en charge par un personnage qui est fondamental dans l'histoire de l'Action française, qui est Marie de Roux. Marie de Roux, c'est lui qui avait fondé la toute première section d'AF avant même que la Ligue existe, on est en 1903 à Poitiers. Et Marie de Roux, c'est l'avocat de l'Action française, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'histoire en général, sur la Restauration, sur l'Action française, la doctrine de Maurras. Et ce qui est intéressant, et je voudrais finir là-dessus, en appuyant sur la correspondance de Marie de Roux, c'est qu'on voit à quel point, comment cet homme est rompu à l'exercice depuis l'avant-premier conflit mondial. Et avec la correspondance de De Roux, on voit très bien comment les banquets s'organisent. Alors, deux ou trois choses que je voudrais souligner. D'abord, c'est le fait qu'il y a chez De Roux donc une constance dans cette histoire, et dès l'avant-1914. Alors, on retrouve ce que je vous disais à propos de la Saint-Philippe. Hein, on est avant 14, il est invité à parler à la Saint-Philippe pour la Saint-Philippe à Bordeaux. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans sa correspondance, tout est prévu sur le plan du discours, hein, ce qu'il doit faire. L'Ursalus présidera, on a un autre président, un toast et ensuite un discours. Et le discours doit être, ils sont bien d'accord, un intermédiaire entre le toast, la conférence. Et on se met d'accord sur le sujet, Marie de Roux donne son sujet et les autres orateurs se plieront à son sujet pour ne pas doubler. Deuxième élément important, c'est qu'on constate à quel point il peut y avoir dans les banquets une articulation entre conférence et banquet. On discute pour savoir quand aura lieu la première par rapport à l'autre. Ce n'est pas la même chose. On va essayer d'organiser, notamment à Chalon-sur-Saône, des conférences distinctes de ceux du banquet, une conférence sur le corporatisme, et puis ensuite un banquet. Troisième élément, ces conférences et ces banquets peuvent se tenir dans des petites villes, voire des bourgades. Alors, pas n'importe lesquelles, Sainte-Foy-la-Grande, organisée par le responsable de l'Action française, et le directeur de l'école catholique. Et là, pareil, hein, dans la correspondance, je passe très vite, mais tout est précisé. Au départ, ils trouvent une date, puis ils se rendent compte que c'est la fête de Dieu, donc c'est pas possible. Et ensuite, on va mettre ça le 12 juillet, mais on va discuter de l'horaire. Hein. Faut essayer, à ce moment-là, d'être plutôt le midi, parce que sinon, nous aurons, si on fait ça le soir, les gens de la ville, mais pas la campagne, c'est fâcheux. Donc tout est prévu pour organiser les choses de façon à la plus précise possible. Et le programme, il est simple. On prévoit donc le 12 juillet. Pourquoi? Parce que 10 h, c'est la messe mensuelle, où on sait que tous les hommes de la campagne possibles vont venir. Donc, un, la messe. Deux, banquet. Trois, conférence. Très organisé. Voilà. Alors, l'idée, évidemment, c'est de gagner un certain nombre d'adhérents. Et hier, on parlait des conférenciers et des propagandistes. Hein, c'est Édouard qu'on parlait. L'Action française d'avant 14 a fait exactement la même chose. On a des conférenciers, propagandistes, Paul Romain, etc., qui faisaient des tournées. Ce n'était pas des conférences. C'était bien sûr des conférences, mais des réunions pour gagner des adhérents. Ça s'est beaucoup moins fait après la Première Guerre mondiale parce que les conférenciers ont fini par vieillir et n'ont pas été forcément renouvelés sur ce terrain-là. Alors, deux éléments pour conclure. Un, vous l'avez compris, le lien extrêmement étroit entre politique et nourriture à l'Action française. De ce point de vue, la nourriture ou les nourritures terrestres, en l'occurrence, sont considérablement réinvesties politiquement. L'Action française n'est pas la seule, mais de ce point de vue, autant hier, quand tu parlais de la question du régionalisme, on était sur des choses assez générales, là on est sur des discours très précis, très identifiés, le programme ressort. Deuxième élément important, c'est que cette question de la nourriture et des banquets va survivre à la disparition de la Ligue en 1936. En effet, après la disparition de la Ligue, les banquets continuent. 37, 38, bon, on parlait avec Gilles du banquet, effectivement, Tourneras en 1938, mais vous avez des banquets locaux à Valognes, en Normandie, vous avez des banquets d'Action française avant 1940. Et ça continue par la suite, avec Aspect de la France, à la Restauration nationale. Et j'ai regardé sur Internet, comme tout le monde, et j'ai vu qu'à Lyon, l'hiver dernier, les jeunes de l'Action française ont organisé un grand banquet de Noël. Alors j'ai vu quelques images. Bon, ils chantent le 31 du mois d'août, ça c'est très classique, mais ils sont avec des verres en carton. Les prix sont pas très chers, parce que c'est pas très cher pour les étudiants, et les menus ne sont, je vous passerai les menus, on va en parler, ne sont sans doute pas à la hauteur de la cuisine de Pampille. Je vous remercie.